Non, Bethele, Ika Nazara, Lokola Ye, Ye Mobeke, Se, Golomonen, Ika Nazara, Lokola Ye, Lokola, Lokola Ye, Lokola Yesu, Ekanazala, Lokola Yesu, Ezalingai ko, Kende na kembo, Ekanazala, Lokola Yesu, Lokola, Lokola. La sola yeso de canasala o lo cola ye e jale ngai ko kende na kembo de canasala lo cola ye mo yenge te notre Père Céleste. Nous te rendons grâce pour ce que tu fais pour nous ce soir. Le souffle de vie et la force du corps qui nous permet de nous tenir devant Dieu. Nos prières et supplications. Formuler les requêtes et demandes. Exprimer la foi dans le Dieu vivant. De louer et de célébrer encore. Car ce n'est pas les séjours de mort qui le font, mais ce sont les vivants qui te louent, ceux qui t'adorent et te servent. Merci de maintenir notre voix ici, à ton service. Chacun pour sa part, exprime sa reconnaissance. Reçois-la au nom de Jésus-Christ. Amen. Et exhorte nos corps maintenant, afin que tout s'efface pour ta gloire. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, le bienveillant fidèle. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu en guise d'exhortation. Dans 1 Corinthiens au chapitre 12, nous prenons le verset 27 et 28. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres chacun pour sa part. Amen. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. Deuxièmement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don de miracle. Puis ceux qui ont le don de guérir, le don de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Amen. Ephésiens chapitre 1, verset 22 et 23. Bah, Ephésiens, mon capo, le premier ami balé. Il l'a tourné sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, amen, qui est son corps, amen, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Ephésiens chapitre 1, verset 22 et 23. Azei mpe niloko nyonso na se na makolo na ye. Mpe azalisie moto likolo na makamo nyonso pona lingomba. Oyo ezali nzoto na ye, yango litongi na ye oyo ekotondisaka nyonso kati na bisika nyonso. Amen. Pour relire le verset 22, akomisie moto te, parce qu'il a fait de lui un homme. A commissier moto la tête. A teyi pe biloko nyonso nse na makolo na ye. Mpe azayisie moto likolo na makambo nyonso pona lingomba. Voilà. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Jambe apambola botanga ya bana. Veuillez vous asseoir au nom de Jésus-Christ. Nous sommes venus pour l'adorer. Oui, pour le louer. Pour le célébrer. Pour lui adresser nos prières. Nos supplications. Formuler les besoins. Sans réserve. Sans limite. Tout ce qui nous tient à cœur, qui serait important, nous le disons. Dites tout à Jésus. Amen. Même les paroles d'un cantique, je vais tout dire à Jésus. Amen. Tout dire à Jésus. Oui, je n'ai pas meilleur que lui. Pas de meilleur ami que lui. Pas d'autre Dieu que lui. Pas de plus fort que lui. Pas de tout puissant que lui. Et je veux tout lui dire. Et c'est un privilège. Et amis, nous tombons. Voyez, l'autre dit, les amis, nous avons en Jésus. Quand nos péchés se perdent. Oh, quel privilège. Oh, oui. D'apporter tout à Jésus dans la prière. C'est même un privilège. Et qu'il soit donné l'occasion de lui parler. Et de tout lui apporter. Que ce soit les fardeaux. Que ce soit les iniquités, les péchés, les saletés, les indignités, les maladies, les faiblesses, les déceptions, les échecs, les frustrations, les douleurs, apportez tout à Jésus. Mais moi, nous ne sommes pas riches. Tes amis t'ont-ils abandonné? Amène tout au Seigneur. Mais nous sommes dans ses bras, il t'accueillera. Amen. Et là, tu seras consolé. Voilà. Ceci est la merveilleuse espérance de ça. Oh, mais amis, et lui qui a mal à si Dieu n'avait pas pourvu de ça, que ferions-nous et que deviendrions-nous? Le monde est décevant. Mon à tous égards, satisfaisement. Mais Christ est satisfaisant. Il est consolant. Il est fortifiant. Il est secoureur. Libérateur. Sauveur. Guérisseur. Médecin. Notre Père, le roi de notre Père, en lui il y a tout. Il mérite d'être célébré, d'être adoré, d'être élevé. Il le mérite. Je sais que c'est vrai. Alors, pendant cette soirée, nous essayons d'ajouter encore un peu un bras à notre thème. Comment éprouver un ministère de la parole? Nous sommes en train de comprendre qu'un ministère de la parole ne peut être jugé que par la parole. Et la preuve du ministère doit nous venir de la parole. Si la question de l'épreuve est un problème, nous avons entendu hier que le problème doit être prouvé, la solution doit être prouvée par le problème. Donc lorsque vous avez un problème à résoudre au niveau scolaire, on vous dit, il ne faut pas vous précipiter à remettre la note. Même si vous êtes sûr d'avoir bien travaillé, même si ça coulait comme de l'eau, prenez le petit temps de faire la preuve. C'est ce qui peut vous dévoiler les erreurs dans votre système. Prenez le temps, ne soyez pas pressés. Faites la preuve par nous. Et vous saurez si vous avez bien répondu ou non. Cherchez à prouver. Amen. Amen. Il faut prouver. Mais plus bas que ça va qu'on nous enseigne la méthode de l'épreuve par neuf et tout cela. On apprend aux enfants calculés avec la méthode des bâtons. Et les boulets compteurs. La chaîne de boules là pour compter. C'est un peu comme le chapelet aussi, les catholiques là. Donc voilà, le chapelet va monter. Pour se rassurer qu'il a répété sa prière 50 fois. Alors pour ça il doit avoir quelque chose à main. D'apprentissage de l'enfant. Il est capable de compter jusqu'à combien? On est là, on est de 0 à 10. On ne peut pas plus loin parce que le cerveau est après jusqu'à 30. Après jusqu'à 30. Après il faut aller jusqu'à 20. Donc, il faut donner la preuve. Alors, nous avons compris hier que le test, l'épreuve de la parole, c'est ça l'unique moyen. Amen. Votre message dit ça. Il faut que la parole nous donne la matière. Les critères. Les caractéristiques. Le lingue, les éléments. Point par point. Non pas inventé dans notre tête. Mais que la parole elle-même donne. Vérifier avec l'homme. Et qu'il déclare. Vous comparez à la parole. Vous pouvez m'analyser si oui ou non il y a ministre. Alors, nous avons déjà dit que Dieu n'envoie qu'un témoin qualifié. Et la qualification, c'est le baptême du Saint-Esprit. Vous introduisez dans le corps de Christ. Et nous avons également dit que ce sont les esprits qui exercent un ministère. Tout ministère est exercé par l'esprit. Et le ministère de l'esprit, le ministère de Dieu, de la parole, est exercé par l'esprit de Dieu. Le tomo, donc, si un homme n'a pas l'esprit de Dieu en lui, il ne peut pas exercer un ministère de la parole. Impossible! Même si il vous dit qu'il a un appel. Parce que Dieu, dans sa souveraineté, on le verra encore un peu à part, pour que ce soit clair, il peut adresser à un homme l'appel avant qu'il ne soit baptisé du Saint-Esprit ou après qu'il soit déjà baptisé du Saint-Esprit. La parole nous montre ça. Il me dit que ça nous est pour le Saint-Esprit. Parce que dans un sens, les dons et les appels de Dieu sont sans répentance. Et ils ne dépendent pas de la répentance. Ils dépendent de la prédestination. De la préscience de Dieu. Vous entendez? Dieu, il est souverain dans sa manière de faire. Il peut prédestiner qui il veut. Pour qu'un ministère s'exerce, il doit avoir le Saint-Esprit. Parce que le ministère ne se trouve que dans le corps de Christ. Le ministère de la parole, c'est notre exhortation ce soir. Le tomo est demandé, mais il est de ça pourquoi là. Tout ministère de la parole ne se trouve qu'en Christ, dans le corps de Christ. Le tomo non soit le bas. Écoute à ma caca na kat na Christ, il bandate. Amen. Ici là nous avons lu deux passages bibliques qui sont clairs dans leur formulation. Premièrement, ici, la Bible dit qu'il a tout mis sous ses pieds. Les pieds de Christ. Et il l'a donné, lui Christ, pour chef suprême à l'Église. L'Église de Dieu n'a pas de chef. Un chef appelé pape qui est au Vatican et un chef appelé Eva de France qui est en Allemagne et un autre appelé Jésus-Christ. Ou un chef appelé William Branham dans les tombeaux et un autre appelé Jésus-Christ. L'église du Seigneur n'a qu'un seul chef. Jésus-Christ est ce chef là. Jésus-Christ seul. Jésus-Christ, Yemoko. Amen. Amen. Amen. Et il nous a appris ceci par la grâce dans Matthieu 23. Il nous apprend ceci. Ici, dans Matthieu chapitre 23. Il dit au verset 8 à 10. Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi. Car un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. Qui dit amen à la vérité? Amen. Et la parole est claire. Et n'appelez personne sur la terre votre père. Car un seul est votre père. Celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur. Car un seul est votre directeur. Le Christ. Le Christ. Voyez-vous le verset 10? Directeur. quand le chef, mon conducteur, mon candi, non, paix. Un seul est votre directeur. Mon connaissance, colonel, c'est le Christ. Yes, Christ. Amen. Nous le croyons comme cela. Amen. Amen. Rien ne peut le changer. Je commence à comprendre la parole écrite. Il a tout mis sous ses pieds. Retourne dans Ephésiens 1. Dieu a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à l'église. Qui est son corps. L'église en question est le corps de Christ. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. L'église est le corps de Christ. Et Dieu a établi dans l'église. Autrement dit, qui est le corps de Christ. Premièrement des apôtres. Deuxièmement des prophètes. Troisièmement des docteurs. Ensuite tous ceux qui sont établis. Ce n'est pas en dehors du corps. Mais dans le corps de Christ. Retournons à Corinthiens 12. Alors vous avez dit, dans, vous ne mettez pas dehors. La Bible dit dans. Nous voulons dire que le bon au dedans, à l'intérieur. La quatre. Nous relisons 1 Corinthiens 12, verset 26. Vous êtes le corps de Christ. Vous avez une main à Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous avez une main à et Dieu a établi dans l'église. Dans la quatre, il y a son corps. Qui est le corps de Christ. Et là-bas, dans l'église. Nous la quatre, et Dieu a établi premièrement des apôtres. Il y a dit, deuxièmement, des prophètes. Il y a dit, balai, bah, ça troisièmement, des docteurs. Il y a mis qui sont ceux-là? Des ministres de la parole. Porteurs des ministères de la parole. Chacun pour sa part. Et tous ensemble, dans leur considération, ils ont un ministère de la parole. Il dit, ensuite, ceux qui ont les dons de miracles. Ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler, de cela. Mais nous ne sommes pas en train d'aller dans tous les dons là à la fois. Notre thème c'est comment éprouver le ministère de la parole. Et comment réussir d'abord sur le sujet du ministère. Devenir revenant de la prédication, le Fils de Dieu manifeste. Dans le sujet du thème l'adoption. Le Fils de Dieu manifesté. Les 18 mai 1960. Le paragraphe 198, première partie. Quand je dis première partie, dans le langage écrit, je mets souvent A. Là, j'ai subdivisé le paragraphe en deux parties. La première partie, je peux mettre A, la deuxième partie, je mets B. Et pour le paragraphe qui a plusieurs parties, on regroupe des fois en trois, A, B, C. Alors, paragraphe 198, première partie. Le corps de Christ. Qu'est-ce que c'est? Le corps de Christ. Le président pose la question. Qu'est-ce que c'est? Réponse. Les uns sont apôtres. Les autres sont prophètes. Les autres sont docteurs. Les autres sont évangélistes. Et les autres sont pasteurs. Pas vrai? Ça, c'est l'explication du corps de Christ. On nous dit pas que les uns sont rien. Mais les autres ne font rien. Mais le corps de Christ, c'est quoi? Est-ce que chacun suit? Amen. Qu'est-ce que c'est le corps de Christ? L'église, c'est Dieu en question. Et quel est le corps de Christ? Le Christ lui-même est le chef suprême. Oh, le Christ est le corps. Qu'est-ce que c'est le corps? Et si toi tu penses que tu appartiens à ce corps, qui ne peut pas n'être rien, qui ne fait rien, le corps de Christ, c'est l'ensemble des fonctions. Et Zali, qui sont là-bas, chacun a quelque chose à faire. Il n'y a pas de membre déjà. Mais c'est vrai. Et ça, il y a un moment où il y a un artiste. Oh, il y a un artiste. Il y a un artiste. Il y a un artiste. Il y a un artiste. Il y a un artiste. Il y a un artiste. Il y a un artiste. Il y a un artiste. Il y a un artiste. Il y a un artiste. Il y a un artiste. Pour le Seigneur. Dans les trois étapes de la rédemption. Le salut de Dieu en trois étapes. Le salut de Dieu en trois étapes. Premièrement, la justification. Deuxièmement, la sanctification. Qui signifie être nettoyé et mis à l'écart. Pour le service. Alors la troisième et dernière étape, c'est le baptême du Saint-Esprit qui vous met en service. Il ne vous met, il ne suppose pas vous mettre en service. Il n'essaye pas de vous mettre en service. Le baptême du Saint-Esprit vous met en service. Vous êtes baptisé pour servir. Vous êtes mis en action de service. C'est ce que fait le baptême du Saint-Esprit. Vous l'avez. Et ça se démontre là. Osana yango, il est écolo qui s'amène. Qui dit amen. Amen. Cherchez la chose authentique. Suppliez Dieu pendant qu'il est temps. Demandez-lui sa réserve. Conforme à son plan d'ailleurs. Que vous resserviez le Saint-Esprit. Et si vous demandez quelque chose selon sa volonté, vous écouterez. Demandez le Saint-Esprit se conforme à la volonté de Dieu. Plus prioritaire que les besoins des amis. Plus prioritaire que les besoins d'argent. L'argent peut passer comme du vent. Les amis vieilliront, ils peuvent tous suivre. Même si vous vous retrouvez volé par la foi. Mais le Saint-Esprit vous donne une identité éternelle. Cherchez le royaume de Dieu. Cherchez l'Esprit de Dieu. Il vous mettra au service de Dieu. Oui, c'est quoi ce que nous avons salé dans Zambé? Dans le corps de Christ. La carte dans d'autres de Christ. Ok? Amen. Le corps de Christ, qu'est-ce que c'est? D'autres Christ, on peut servir. C'est quoi le corps de Christ? Et d'Anini. Non, le corps de Christ, le corps de Christ, les autres sont prophètes, les autres sont docteurs, les autres sont évangélistes, les autres sont pasteurs. Pas vrai? Et c'est le fait. Après avoir cité les cinq offices en question, ils sont actuellement les cinq ministères de la parole repris dans Ephésiens 4, verset 11. Après avoir cité nommément, et si toutes ces sept phrases, nous sommes appelés à ça. Ça veut dire que les cinq offices qui venaient d'être cités, apôtres, prophètes, docteurs, évangéliques, pasteurs, on ne peut pas tenir cet office. Assumer ce service. Exercer ce fonctionnement. Sans avoir été appelé. Pour chacun de ces cinq-là, il faut un appel. Il faut un appel. C'est son nom que nous l'avons rappelé dimanche en passant. Le ministère est un don, mais qui dépend de l'appel de Dieu. Lui dépend d'un appel. Il faut un appel pour arriver au ministère. Maintenant, l'écriture a dit ensuite. Il connaît le reste de la cima. En disant ensuite, c'est-à-dire les autres dons qui sont cités là, sont des dons que Dieu donne, mais qui ne dépendent pas de l'appel. Et l'écriture dans la liste ensuite. C'est un annexe, une sorte d'annexe à la liste. Et ça ne dépend pas de l'appel. Ok, il dit ceci. Nous sommes appelés à ça. Maintenant il dit, d'autres ont des dons. Des langues, l'interprétation des langues, la sagesse, la connaissance, les miracles, opérer des miracles, et toute cette diversité de dons. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont exercés un peu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le corps de Christ, c'est ça. Tu ne peux pas seulement venir comme ça et dire, je suis membre du corps de Christ. Quel service tu fais là-bas? Quel don se manifeste là-bas? Vous savez, nous, quand on a écrit le message, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas des gens qui compliquaient les autres comme ça. Non. Mais le corps de Christ, ce n'est pas ça. D'autres Christ, c'est un corps de service. Et vous allez nous autres moussala. C'est pour travailler pour Dieu. Ce n'est pas la costala, moussala pour l'entendre. Amen. Ce n'est pas pour exprimer des émotions. Ce n'est pas la costala, c'est ma banque sur la bonne moto. Et faire cuire les jambons. C'est pour travailler pour Dieu. C'est la costala, moussala pour l'entendre. À des postes précis. Non. Et si quand la moussala, on le connaît. Moi, il y a un don. Toi, il y a un ministère. Mais tu ne veux pas être seulement la faisant des va-et-vient. Non. Il doit y avoir un travail que tu fais. Examine ça. Appartiens-tu à l'épouse de Jésus-Christ, notre Sauveur? Aux alliés. Seras-tu prêt quand Jésus va revenir? Ozali katina moi si na libala na Yesu. Ekozala pona yese moto mokolo ya somo. Voyez? Est-ce que l'ambana yo et vous allez faire mes tangues au goya? Est-ce que tu appartiens d'abord à l'épouse là? Ozali katina moi si na libala na Yesu. La question. As-tu été baptisé dans le corps? Je vais terminer avec un autre. Baptisé du Saint-Esprit. Je vais terminer dans mon livre Saint. Il n'y a qu'un seul moyen pour y entrer. Et ça, vous pouvez le mettre en comme il est fil à la Pentecôte. Tu ne vas pas passer par le même chemin. Tu dois passer par le même baptême du Saint-Esprit que Pierre, Étienne et les autres. Et c'est le grand baptême. Nous sommes le cola pète là. As-tu été baptisé dans le corps? Baptisé du Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul moyen pour y entrer. Comme il est fils à la Pentecôte. Et toi, tu n'as pas encore fait. Yep. Non, et tu le sais, mais tu ne fais rien pour ça. Tu ne fais rien pour le monsieur de l'île. Mais il est plus tard que nous le pensons. Jésus-Christ revient. Le monde est agité. Nous sommes à quelques centimètres de la troisième guerre mondiale. Nous n'oublions pas ce que la Russie est en train de faire. Regardez tous les signaux. L'OTAN est en train d'armer l'Ukraine. On a amené quelque part l'explosion. Et comme la Russie attaquera un des pays membres de l'OTAN, C'est la guerre qui s'en va. Donc, il s'est fait comme ça. Pendant ce temps, la Russie veut prendre la tête des nations. Elle veut écrouler le roi dollar. Pour inventer une nouvelle monnaie internationale. Si pas la monnaie de la Chine, c'est la rouble russe. Il doit prendre la place forte. Au les pays européens sont en train de trembler les bâtons. Ils veulent pas que toute l'Europe soit tranquille. Qu'est-ce qui peut se passer? L'Europe risque de se disloquer. Et il y aura une recomposition des alliances. Beaucoup risquent de se rallier à la Russie et à la Chine. Et du coup, ce sera un nouvel ordre mondial. Les États qui seront neutralisés. Israël sera exposé. Israël est venu à ce qui donnera le feu vert à la Russie de frapper Israël. On a prévu qu'on peut faire une Russie à bête Israël. Et quand il frappera Israël, Israël avec le bloc de nations derrière elle, aimerait la confusion dans les rangs. Dans la phase finale de la bataille, il se fera la guerre les uns les autres. Et la Russie profitera pour neutraliser le Vatican. Russie a convaincu de elle bombardera le Vatican en 60 minutes. Mes chers amis, nous sommes assis sur l'enfer. Les bombes peuvent exploser à tout moment ici. Tu es en train de voir l'ouverture de la chaîne qui va amener jusqu'à la catastrophe finale. Mais avant que le pire ne se produise, l'église de Dieu sera enlevée. Tout sera parti. Mais nous savons ce qui se passera. Quand tu te réveilles, on va se réveiller. Que Dieu nous aide. Dans ma chimie, réveillez-vous du sommeil. Tant que nous Amen. Cherchez le Saint-Esprit. Le sceau de Dieu. Amen. Le feu du pain. Qu'il soit ici dans votre cœur. Amen. Vous voyez, frère, on a le serment du bon mangalade. Que Dieu place dans l'église. Il y a 9 dons spirituels qui accompagnent ses offices. Ainsi que tous les membres du corps. Est-ce qu'on a dit quelques membres? Non. Tous les membres du corps. 5 offices, ce sont les 5 ministères que nous avons cités. Que Dieu lui-même a établi dans l'église. Et qui dépendent d'un appel direct de Dieu. Pas un tas de prophéties ramassées à gauche à droite. Oh, vous avez un peu de prophétie pour l'autre. Le ministère dépend de l'appel direct de Dieu. Dieu doit parler directement concerné. Et nous devons examiner ce qui a été dit. Ce que ce n'est pas Dieu, on va déclarer. Êtes-vous là? Ça doit être Dieu et selon la parole. Le message que l'on dit être venu de Dieu doit être conforme à la parole. Quelqu'un peut venir et dire, non, Dieu m'a parlé. Il m'a appelé au ministère. Il a dit que tout ce que Branham a perdu, c'est ce que je te donne. Mais c'est quel genre d'appel? Tout ce que Branham a perdu, ça définit quel genre de ministère. Ça commence par dire Branham qui aurait perdu, il a perdu quoi? Il y a de ces voix qui parlent de mensonges. Et c'est le diable. C'est le diable. Comme on l'a dit hier en passant, le contre qui quand il vous parle, observez les Écritures. Quand on vous parle, observez les Écritures. Mettez-les de côté. Même si c'est le diable, Dieu, quand il parle, c'est du conforme à la Bible. C'est conforme à sa manière de parler dans la Bible. Quand ça ne gagne pas, foutez ça dehors. Voilà. Il y a cinq offices. Que Dieu place dans l'église. Il y a neuf dons spirituels qui accompagnent ces offices. Ainsi que tous les membres du corps. Tu fais quoi pour Christ? Vous allez constater la ligne pour Christ. Il n'y a pas d'accompagnateur là-bas. Non. Kuna, bâton, va quitter la femme pour la vérité. Hein? Et lui, il est venu seulement pour dire des gros amens à l'assemblée. Ya, il peut encore le baba. Mène, mine, ne wana, ne kene, kene. Des amens vibrants. Bah, mène, wana, ne wana, ne kene. Mais tous les membres du corps disent des amens. Quand tu dis des amens, soit l'imbomba, pas les amens. Ça, ce n'est pas un service spécial. Ouais, les amens, c'est là, le même souci. C'est pas un nom de dire des amens vibrants. Là, il cabote, il y a comme le baba. Mène, ne wana, ne. Il faut identifier la tâche ici dans la vie. Et c'est lui qui a la même osa. Le don ou l'office. Le don ou l'office. Il cave tout le temps. Alors, le premier, ce sont les apôtres. La libre son est l'une c'est-à-dire les missionnaires. Et Nicoloba, à ton amour. Le mot apôtre signifie un envoyé. Thomas, et le mot missionnaire signifie un envoyé. C'est le même mot. Et je l'ai dit, apôtre, prophète, docteur, pasteur, évangéliste. Ce sont les offices que Dieu a placés où ça? Dans l'église. Et salut du sol, on s'en battait. Et l'église, c'est quoi? C'est le corps de Christ. Et quel est le lui dit? Votre la Christ. Amen. Et c'est Dieu lui-même qui a établi ces cinq offices-là. Ils sont tous en action. Amen. Où ils les devraient. Les cinq offices là, ils sont tous en action. Où ils le devraient. C'est vrai. Ils sont tous en action où ils le devraient. Nous ne pouvons pas passer outre les uns et dire qu'il y a des docteurs sans dire qu'il y a des évangélistes. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a des évangélistes sans dire qu'il y a des apôtres. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a des apôtres sans admettre qu'il y a des prophètes. Tous sont là pour le perfectionnement du corps de Christ. Tous ces ministères-là, c'est pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère, l'édification du corps de Christ. L'écriture qui nous l'apprend. C'est plus simple pour nous de dire amen. Parce que ce sont des vieilles vérités que nous croyons depuis les années. Hein? Des vérités consolidées. Voyez là. Alors il dit, le Seigneur me donne des visions. Tu vois bien? Les choses ont commencé lorsque j'étais un petit bébé. Les dons et les appels sans répandre. Quand on dépend de la repentance envers Dieu. Dieu exerçant sa souveraineté. Je ne crois pas qu'un homme puisse être appelé par l'homme et avoir du succès en tant que ministre. Non, qu'il ait du succès en tant que ministre. Mais je te m'appelle. Thomas. Non. Pour avoir du succès en tant que ministre, il faut avoir un appel de Dieu. Mais on ne dit pas que tous ceux qui ont du succès sont nécessairement établis par Dieu. Il a déploré les ministères basés sur des personnalités. Vous vous rappelez dimanche? Des choses qui s'élèvent par flatterie. Des ministères basés sur des personnalités. Qui n'ont pas de fondement dans la parole. Ça ne fait que vous révolter. Et le ministère doit être fondé sur Jésus-Christ. La Sainte Bible. Quelles sont les nouveautés à présent? À chaque fois que vous êtes contre les scandales, vous trouvez des gens qui se font appeler ministère. Amen. Vous avez compris comment vous avez été ministère. Amen. Et c'est le roi. Ça y est, vous dans la Bible. Dieu a prévu ça. Dame, vous êtes moi. Ministère armé de victoire. Ministère armé de l'Éternel. Et d'autres, ils mettent même les noms propres du prédicateur. Coutino ministri. Coutino ministri. Mais ça y est où dans la parole, c'est ça. Ambroise ministri. Ambroise ministri. Tibano ministri. C'est satanique tout ça. Il y a satanique. Dans la parole, il y a les apôtres, il y a les évangélistes, il y a les docteurs, il y a les pasteurs, il y a les prophètes, et on est appelé à ça. Présentez la paix, et on est là, c'est fini. Oh. Au célèbre simplement là, Ferdinand ministre. Ferdinand ministre. Des ministères basés sur des personnalités. Sur des noms des individus. Et des noms des individus. Non. C'est Jésus-Christ qui est le chef suprême. Et il est la pierre principale de l'angle. Tout tourne autour de sa personne. Et tout doit se faire pour lui et pour sa gloire. Tout le reste vient de Dieu. Méfiez-vous. Amen. Méfiez-vous. Amen. Amen. Il dit, maintenant on me donne des visions. Les choses ont commencé lorsque j'étais un petit bébé. Je ne crois pas qu'un homme puisse être appelé par un homme et avoir du succès avec la ministre. Je crois que les dons et les appels sont sans réponse. Dieu a dit à Jérémie, je crois que c'est à lui qu'il a dit, avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je t'avais connu, sanctifié et établi prophète des nations. C'est 112 ans avant la naissance de Jean-Baptiste. Amen. Dieu a dit à Esaïe qu'il était la voix de celui qui crie dans le détail. Bien que cela ait été écrit à son sujet, lorsque le temps fixe à son Christ, pour que Jean-Baptiste entre en fonction, Dieu lui a parlé et il l'a envoyé baptiser. Amen. J'aimerais un témoignage que c'est lui qui m'a envoyé. Il m'avait dit, et c'est lui qui dit, tu verras le Saint-Esprit descend. Et ça était, c'est lui le Fils de Dieu. Il avait un signe et il avait une consigne. Clairement révélé parce qu'il était dans ce ministère de la parole. Prédestiné manifesté en son temps. Et Dieu s'est exprimé clairement. Nous avons besoin de ça. Tous les ministres de la parole sont préordonnés. Il n'existe pas un seul ministère qui lui doit être hors du destin de Dieu. Et ça, dans mon côté, il y a un modèle qui parle à la maison. Je vous allez commencer à dire non. Son ministère, lui, ne peut pas être dans le destin de Dieu. Pour être dans le destin de Dieu, il faut s'appeler un tel ou un tel. Dieu a préordonné ce ministère. Tout le ministère que vous voyez là, ils sont prévus dans la parole. Le destin de Dieu, c'est Satan. Amen. Et la parole annonce le ministère. Et Dieu a dit que sa sagesse, la sagesse lui a dit, je vous dirai en vrai, des apôtres, des prophètes, des scribes. Hein? Et des sages. N'est-ce pas vrai? La sagesse de Dieu a dit cela. Dieu vous enverra. C'est la promesse de Dieu. Tous ces ministères sont promis par Dieu. Il y a des ministères promis de manière particulière. De façon individuelle. Mais il y a des ministères promis collectivement. Je vous enverrai des apôtres pluriels. Une même promesse annonce l'office des apôtres. Une même promesse annonce l'office des prophètes. Une même promesse annonce l'office des docteurs. Ce sont des ministères promis. Promis. Ils sont promis. Lisons. Ici, dans la parole, pour nous aider ou nous entraider. Qu'est-ce que Dieu dit? Ici, dans Luc chapitre 11, le verset 49, c'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, Je leur enverrai. Dieu enverra. C'est une promesse. Il enverra qui? Des prophètes pluriels. Et des apôtres pluriels. Ils tueront les uns et persécuteront les autres. C'est Amen. Amen. Donc, les prophètes et les apôtres promis dans une même promesse ensemble. Mais ça concerne le destin de Dieu, la prédiction de Dieu. Dans Matthieu au chapitre 23, nous trouvons la même pensée revenir au verset 34. C'est pourquoi, voici, je vous envoie. C'est Dieu qui dit, je vous envoie. Des prophètes, des sages. et d'écrire. Dieu fait quoi? Les envoie. Est-ce que tout homme qui est envoyé est nécessairement un apôtre? Non. Ici, Dieu promet qu'il enverra. Il peut envoyer l'apôtre, il peut envoyer les prophètes, il peut envoyer les docteurs. C'est dans la parole. Comment y aura-t-il des prédicateurs qui ne sont pas envoyés? Tous les cinq offices, ils les envoient. C'est là que nous parlons de l'appel et de la commission. La commission, c'est l'envoi de Dieu. Le message est d'envoi. L'ordre des missions que Dieu donne à la personne, à l'individu. Attends-vous là? Amen. Mais avant de donner cet ordre de mission, Dieu a préordonné cela. Il y a un peu après, ça me tourne dans le cadre de la côte de la. C'est une préordination. C'est déjà prévu dans l'ordre de Dieu. Dans l'ordre de l'église de Dieu. Il a déjà prévu apôtre, prophète, scribe. Et des sages. C'est vrai. Yes, nous aimons ça. Dieu, par sa préscience, a préordonné ses ministres à l'évangile. Ainsi que les dons dans l'église. Dieu a dit à Jérémie, je crois que c'est à lui qu'il a dit, avant même que je sois formé dans le Seigneur, je t'avais connu, sanctifié et établi prophète ténacieux. 712 ans. Mais pour avant la naissance de Jean-Baptiste, Dieu a dit à Esaïe, il était la voix de celui qui crie dans le désert. Il ne pouvait pas s'empêcher d'être Jean. Et depuis le jardin d'Éden, oui, avant la fondation du monde, Jésus-Christ fit ordonner fils de Dieu. Mais quand le temps s'est accompli, le Père le lui a directement dit. Il a déclaré, il a témoigné de lui publiquement. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu a parlé clairement. C'était prédit dans son dessein. C'était écrit dans les prophéties de la Bible. Mais au temps accompli, Dieu s'est exprimé clair. C'est sa manière de faire. C'est immuable, il changera pas. Donc, depuis le jardin de l'Éden, avant la fondation du monde, Jésus-Christ a ordonné fils de Dieu. Nous sommes donc ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Et quand vous allez dans la prédication, les questions-réponses du 12 janvier 1961, la huitième question qui a été posée à Frère Branham, il avait été demandé comment peut-on reconnaître sa véritable position dans le corps de Christ. Et alors la réponse qu'il a donné, c'est que votre position dans le corps de Christ est révélée par le Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit qui vous baptise dans le corps. C'est lui-même qui doit vous révéler votre position dans le corps. Et quand il s'agit de ministère, il vous parlera directement à Colombelabino. Déterminera l'ordre de mission qui permettra d'identifier la fonction du ministère en présence. Que Dieu vous bénisse. C'est une soirée d'adoration. Beaucoup de choses peuvent appeler beaucoup de commentaires. Le peu qui vient d'être dit pour vous aider à comprendre que le ministère de la parole est toujours et se s'exerce dans les corps de Christ. Ils sont en action là dans les corps. Et le corps de Christ, c'est l'église de Dieu. Et la tête suprême, le chef suprême du corps de Christ, c'est Jésus-Christ en personne. Il est le seul chef. Notre seul directeur. Notre seul maître. Notre seul chef. Amen. Amen. Amen. Que Dieu bénisse ceci dans nos cœurs. Lève-nous pour la prière. Tout élément pour la bonne vie. Et l'ami, nous avons Jésus, portant nos péchés de peine. Oh, quel privilège d'apporter tout à Dieu dans la prière. Yeah. sera consolé. Dites encore un mot de prière à Jésus. Votre seul directeur. Votre seul chef. Votre seul maître. Amen. Votre unique Dieu. Dites tout à Jésus. Prions chacun. Croix numéro 129. Baptisé dans les corps. As-tu été baptisé dans le corps, baptisé du Saint-Esprit? Il n'y a qu'un seul moyen pour y entrer, comme il est fait à la Pentecôte, es-tu dans l'Église triomphante et dans l'épousée sans fin? Oh viens et sois baptisé dans le corps et demeure pour toujours. Il n'y a qui par le Saint et vrai Saint-Esprit promis, toi que le monde nous méprise tous, es-tu dans l'Église triomphante et dans l'époux des faveurs? Viens et sois baptisé dans le corps et demeure pour toujours. Plusieurs pensaient qu'ils étaient dans le corps jusqu'à quand l'Esprit Saint dans la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu leur fut ouverte, ils entraient encore des places. Es-tu dans l'Église triomphante, c'est dans l'épouse sauveur. Baptisé dans le corps, et demeure pour toujours. Lorsque l'époux viendra, seras-tu prêt, ta lampe remplie allumée, tu seras compté parmi les vierges fortes. Merveilleux. C'est pour nous un moment utile. Amen. Un vrai privilège. Amen. Que de nous tenir devant Dieu. Amen. De parler et t'écouter. Amen. Communier avec toi. Amen. Prolonger notre présence devant le Seigneur. Pour recevoir tout ce qu'il a prévu pour nous. Amen. Des ajouts et des bénédictions. Amen. Seigneur, nous croyons que chacun a reçu sa part. Amen. Et que nous sortons comblés. Amen. Car Toi Christ, tu es satisfait. Tu es notre source intarissable. Ta fontaine de vie éternelle. Que ton nom soit élevé au-dessus de toi. Et que ton nom garde chaque enfant de Dieu. Chaque frère, chaque soeur, chaque bien-aimé, Seigneur. Alors que nous allons nous séparer, nous comptons sur toi le meilleur gardien. Pour que tu nous permettes de nous revoir encore demain, si ta venue ne se sera pas produite. Mais dans l'arc temps, l'enlèvement doit se produire à tout instant. Ne nous oublie pas, Seigneur. Cela chacun de nous, que ce soit de vrais retrouvailles là-bas. Le côté de la victoire. Aie pitié de mon frère. Aie pitié de ma soeur. Chacun de nous avons besoin de toi. Toi, notre fontaine, notre source dont l'eau est certaine. Arrose-nous, Seigneur. Inonde-nous, colline. Remplis-nous de ce qui nous manque. Pour ta propre gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Il y a pasteur Roger Monga qui est revenu de la province orientale.